Pardon, c'était avant ça. Donc du coup, Pio, je te laisse la parole pour parler de Un chez soi d'abord. Donc, je vais vous présenter un programme de logement qui s'appelle Un chez soi d'abord. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Nous, on est de Nantes. Un chez soi d'abord n'a pas eu lieu à Nantes. On est complètement extérieur à ce programme. On a juste trouvé leurs résultats publics sur Internet. On les a décortiqués et on vous en présente une synthèse parce qu'on les a trouvés intéressants et on s'est dit que ça méritait d'être plus connu. Donc en fait, Un chez soi d'abord, c'est le nom d'une expérience de logement social et scientifique. Je vais expliquer le côté scientifique dans un instant. Le principe, c'est inspiré d'expériences qui ont eu lieu en Amérique du Nord et dans les pays nordiques. L'idée, c'est de loger des sans-abri avant de leur demander, par exemple, de rentrer dans les cadres de la société. Par exemple, s'ils boivent, d'arrêter de boire. S'ils ont des addictions diverses, d'être abstinents. Et s'ils ont des troubles psychiatriques à cause d'être à la rue, d'être traités. Dans ce genre de démarche, on ne fait pas ça. Vous êtes sans abri, vous vous pointez, vous êtes logé dans un délai très court de 5 à 10 jours. Par exemple, au Canada, c'est 10 jours dans certaines villes. La ville s'engage à vous trouver un logement personnel permanent. Le principe ensuite, c'est que pour rester dans ce logement, vous avez un accompagnement vers une réinsertion ou un traitement médical s'il y a besoin. Donc à la base, ce genre de démarche, c'est arrivé dans les années 90 en Amérique. Il y a des villes comme ça qui ont relogé 90% à peu près de leurs sans-abri. Bon, il y a des histoires, il y a des embrouilles de calcul et tout, mais il y a une énorme proportion de sans-abri qui a pu être relogé dans les villes qui ont fait ça. Donc c'est déjà assez vieux. Le principe surtout, c'est de faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est pas on fait les dossiers administratifs, on normalise, ensuite on loge. C'est on loge d'abord, ensuite on fait l'intégration de ces personnes. Ça s'est diffusé un petit peu en Europe, dans quelques pays nordiques. Ça marche très bien dans les endroits où c'est mis en place. Et si je vais vous en parler, c'est que les résultats de cette logique qui en fait est contre-intuitive pour nous, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, ils sont spectaculaires. Ils sont spectaculaires en termes de stabilité du logement. Logement personnel permanent. Après quelques années, en général, les expériences durent 4 ans, voire plus. Les personnes sont toujours dans le logement qu'on leur a donné. C'est spectaculaire en termes d'amélioration de la qualité de vie. Bah forcément, vous n'êtes plus à la rue, vous êtes en meilleure santé. Vous allez pouvoir beaucoup plus facilement faire des démarches pour retrouver un travail si vous n'avez plus de travail, par exemple. Pareil pour les familles qui ont des enfants. Ils ont juste besoin d'avoir un toit pour reprendre une vie à peu près normale avec l'école. Et le dernier point qui va être intéressant pour lancer éventuellement des revendications, c'est que c'est spectaculaire en termes d'économie pour la communauté. Ça coûte moins cher de loger directement les gens de façon durable que de les laisser dehors et de tout laisser en fait à la charge de plein d'associations qui ont déjà énormément de travail. Donc je vais développer en particulier là-dessus. Je rappelle une fois encore que nous, on ne fait pas partie des associations qui ont été dans ce programme. Donc ce qu'on dit, ça n'engage pas du tout leurs responsabilités et on est juste là pour vous les faire connaître. Donc le programme en France, il s'appelle Un chez soi d'abord. Il a été modélisé d'après une expérience canadienne qui s'appelle Chez soi. Donc vous voyez la proximité, ils ont coopéré avec les équipes canadiennes pour reproduire le même schéma. Et il est orienté plus particulièrement sur les personnes sans abri qui ont des troubles psychiatriques graves. Donc schizophrénie, troubles bipolaires ou des addictions très poussées à force d'être à la rue. Généralement, c'est des personnes qui sont à la rue depuis longtemps. Donc, c'est le profil, pour employer un mot un peu grossier, qui généralement est considéré comme le plus difficile à reloger et à réinsérer. Et on va voir qu'en fait, pour eux, les résultats sont extraordinaires. Au Canada, ils ont relogé 70 à 90% de ces personnes après 4 ans dans 5 villes différentes. Donc en quelques mots, en France, ça s'est fait dans 4 villes, à Paris, à Lille, à Marseille et à Toulouse, avec à la fois des acteurs publics, en particulier les hôpitaux pour la composante suivi psychiatrique, souvent des CHU, et des acteurs associatifs. Donc je vous donnerai les références pour accéder à la liste des associations qui ont participé. Mais par exemple, à Paris, il y a Aurore, Charonne, l'œuvre Faber, je crois. Il y en a plusieurs qui ont travaillé ensemble pour pouvoir faire tout ça. L'objectif, c'était que dans chaque ville, une centaine de personnes devaient être choisies pour intégrer l'étude sur des critères assez semblables. Donc il fallait qu'elles soient toutes dans une situation particulièrement vulnérable, à la rue de longue date, et diagnostiquées avec une addiction ou des troubles importants. Une fois qu'elles étaient OK pour intégrer l'étude, on leur proposait, et ça c'est important, le choix entre trois logements. L'idée c'est que leur choix, il fallait leur redonner du choix, c'était pas on vous donne un logement, point barre, c'est à prendre ou à laisser, c'est vous avez trois logements, pas dans le même endroit dans la ville, comme ça vous pouvez choisir ce qui vous arrange le plus, et on respecte votre choix. À partir de ce moment-là, quand la personne choisit son logement, la condition c'est pour rester dans ce logement, on fait un accompagnement spécifique. Dans cet accompagnement spécifique, vous avez un psychiatre coordinateur, des infirmiers et des travailleurs sociaux. Je vais surtout parler des travailleurs sociaux, parce que le psychiatre coordinateur et les infirmiers, pour ce genre de suivi, c'est attendu. Les travailleurs sociaux, ils sont importants parce qu'ils ont fait quelque chose de nouveau en France, qui se fait dans quelques autres pays. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des travailleurs pairs. Les travailleurs pairs, ça veut dire que c'est des personnes qui ont été sans-abri, qui ont eu les mêmes troubles psychiatriques que les personnes qui étaient dans l'étude. Donc des gens qui connaissaient personnellement, directement, les problématiques rencontrées par les personnes qu'on mettait dans le programme. Comme les alcooliques anonymes. Par exemple, l'idée c'est qu'il fallait qu'il y ait des gens qui aient été concernés à un moment, qui soient là pour, par exemple, faire la médiation, faire le lien, et surtout pour aider à valoriser les choix des sans-abri intégrés dans l'étude. Ça veut dire que ces personnes, elles étaient au contact des personnes dans l'étude, au contact des sans-abri, mais également dans les comités de recherche et de pilotage de l'étude. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'ils ont eu directement voix au chapitre avec une expérience directe du problème. C'est pas que les médecins qui ont décidé, c'est pas que les associations, c'est aussi des gens qui étaient sans-abri et avec des troubles psychiatriques lourds. Ils ont créé des groupes d'entraide également pour que les personnes de l'étude s'impliquent directement et le suivi était intense, c'est-à-dire qu'ils avaient un contact qui pouvait aller jusqu'à 2 fois par jour, 6 jours sur 7, pendant 12 heures s'il le fallait par jour. Et ils assuraient également une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un système d'astreinte. Donc, c'est-à-dire si vous avez une crise d'angoisse, quelque chose, quand vous êtes dans ce programme, vous avez toujours un numéro de téléphone que vous pouvez appeler et l'équipe d'urgence arrive pour vous aider à traverser la crise. Ils ont fait aussi quelque chose d'important, j'ai parlé brièvement de l'aspect scientifique de ce programme. Ils l'ont présenté et ils l'ont fait accepter au gouvernement comme une expérience de recherche scientifique et médicale. Ça a permis d'obtenir les financements en particulier. Et surtout, ça veut dire que les résultats de cette étude vont être très intéressants parce qu'il y a toute la méthodologie scientifique actuelle dessus. On ne peut pas dire de cette étude, elle n'est pas fiable. On ne peut pas dire, il manque des critères. On ne peut pas comparer avec ce qui se passe en France. C'est 4 villes très différentes, avec des contextes, des traditions de contextes associatifs, par exemple, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Dans laquelle, à chaque fois, vous avez à peu près le même nombre de personnes incluses dans l'étude. Donc, vous pouvez vraiment comparer. Elles sont incluses sur les mêmes critères. Et dans chaque ville, vous avez un groupe contrôle. Ce groupe contrôle, ça veut dire que vous allez recruter pour cette étude des sans-abri avec les mêmes caractéristiques que les autres, donc à la rue depuis longtemps, troubles psychiatriques importants, mais par contre, eux, ils vont avoir le suivi classique. Vous allez les faire rentrer dans l'étude et voir comment ils évoluent pendant 2 ans, mais ils vont pas avoir le suivi intense 2 fois par jour, ils vont pas avoir leur équipe qui vient les voir tous les jours, le groupe d'entraide, les coordinateurs, tout ça, tout ça. Donc, l'idée, c'est de comparer directement l'efficacité de la prise en charge classique, on va dire traitement d'abord, et la prise en charge logement d'abord. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que logement d'abord, ça marche vachement mieux que le traitement d'abord. Ils sont très attentifs au fait de valoriser le choix des personnes, de leur redonner le choix en fait. Donc je vous ai dit, ils peuvent choisir le logement, ils peuvent bouger, ils peuvent décider de quitter l'étude quand ils en ont envie. Je vous ai parlé donc des travailleurs pairs. Ça a été montré dans plusieurs études en Europe que ça facilite l'intégration de l'étude et en plus ça améliore les résultats. Les gens sont beaucoup plus impliqués quand il y a des gens qui ont vécu la même chose qu'eux, qui les aident à travers l'étude. Et le résultat principal, je vais revenir ensuite plus en détail sur différents critères, mais le résultat principal c'est qu'en gros, il y a une diminution massive dans le groupe expérimental du recours aux soins hospitaliers, en particulier l'hospitalisation psychiatrique qui coûte extrêmement cher à la journée et où l'accompagnement est extrêmement difficile. Pareil pour les urgences, pour tout ce qui va être aussi de la prison, parce que malheureusement en France, quand vous avez parfois une attaque psychotique, vous pouvez vous retrouver en prison parce qu'on ne sait pas vous gérer, tout simplement. Et ça diminue aussi, pour des raisons évidentes, le recours aux structures d'hébergement d'urgence. Vous avez un logement personnel, vous n'avez pas besoin d'appeler le 115 ou en tout cas moins. Ça améliore les conditions de vie et pour les personnes qui ont des troubles schizophréniques dans l'étude, ça améliore vraiment beaucoup leurs symptômes à partir de 6 mois. Les troubles bipolaires, c'est plus difficile à évaluer, mais pour les schizophrènes, c'est un écart statistiquement significatif. C'est-à-dire que le gouvernement pourrait décider en fait de prendre ça comme quelque chose de probant pour faire une action dessus. Cette différence en termes d'économie, comme on recourt moins aux différents services, ça coûte moins cher forcément à la communauté. Par personne et par an, ils ont estimé ça à 17 500 euros de moins quand vous êtes dans le groupe expérimental et que vous êtes logé d'abord en fait. 17 500 euros, c'est énorme. Et le plus beau, c'est que ça compense complètement, ça fait même une économie, sur le coût de l'équipe de suivi qui vient vous voir tous les jours et de votre logement, qui a été estimé à 14 000 euros. Donc c'est plus économique et en plus c'est plus bénéfique. Maintenant je vais parler un petit peu plus en détail de tout ça, parce que je me suis quand même tapé toute leur documentation sur les résultats intermédiaires, donc vous allez en profiter. Voilà. Donc là c'est des résultats intermédiaires. L'étude a été faite sur 4 ans. Les résultats que je vous communique, c'est les deux premières années sur les personnes qui ont passé 2 ans complets dans l'étude pour qu'on puisse avoir vraiment un suivi un peu de longue date. Globalement, pour les personnes qui sont restées 2 ans dans l'étude et qui étaient dans le groupe expérimental, ça coûtait 25 000 euros à l'année. 14 000 pour l'équipe spécifique d'intervention et de logement. Et le reste, c'est le recours aux services pour les banques alimentaires, par exemple, ce genre de choses. En dehors de cette étude, avec le suivi classique, on est à 28 500 euros par an, et par personne. À la base, cette étude elle a été possible parce qu'il y a un squat autogéré à Marseille qui a fait l'expérience tout seul. C'est les gens qui étaient extrêmement militants, hyper motivés, hyper organisés, qui ont fait ça pendant 2 ans avec des médecins psychiatres. Et ils ont remis un rapport en 2010 au gouvernement avec toutes leurs données. Ce rapport disait que les personnes étaient mieux soignées, que ça coûtait moins cher, parce que malheureusement c'est un argument qui est déterminant pour lancer ce type de structure. Et donc, à partir de ce rapport et de données américaines, canadiennes, européennes, l'État a accepté de faire une expérience sur 4 ans en France. Donc le fameux programme « Un chez soi d'abord ». Sur les 4 villes, donc je répète, Paris, Toulouse, Lille et Marseille, avec une centaine de personnes par site, les travailleurs pairs, c'est-à-dire les usagers experts, les personnes qui ont été sans abri, qui ont eu les mêmes problèmes psychiatriques que celles qui étaient dans l'étude, et ce contact intense. La philosophie des soins tout du long, c'est quelque chose qui a été nouveau en France, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Le rétablissement en psychiatrie, c'est quand vous soignez quelqu'un, pas juste pour le stabiliser médicalement, mais pour lui redonner une autonomie sociale. C'est-à-dire, par exemple, qu'il puisse retrouver un travail, qu'il puisse vivre tout seul en autonomie, en dehors, on va dire, de l'enceinte de l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est pas habituel dans la prise en charge psychiatrique en France. On est dans de la stabilisation, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Là, l'idée, c'est on redonne de l'autonomie et même on essaie de rendre une citoyenneté pleine et entière aux personnes dans la mesure du possible. Donc les résultats dont je vais vous parler, vous pouvez les trouver sur le site du gouvernement. Donc c'est écrit sur le tract qu'on est en train de distribuer, vous avez l'adresse mail, mais sinon vous tapez sur gouvernement.fr publication document de la DIHAL, D-I-H-A-L, c'est la direction interministérielle qui a dirigé cette étude, et vous les trouvez. Ils sont publics, vous pouvez y accéder, vous avez plusieurs types de fichiers, un qui présente le programme et ses enjeux, un autre qui présente, c'est ce qu'ils appellent les fiches par site. L'organisation dans Paris, dans Marseille, Toulouse et Lille, avec les contacts référents que vous pouvez contacter, les associations qui ont participé, les médecins qui ont participé, tout ça. Je vais vous parler de l'organisation. Donc, vous êtes diagnostiqué sans abri de longue date, troubles psychiatriques, addiction sévère. On vous donne accès à 3 logements, vous en choisissez un, celui qui convient le mieux à vos habitudes de vie dans une ville. Et vous êtes suivi, parfois jusqu'à 2 fois par jour, par une équipe qui vient vous rencontrer. Cette équipe et le logement sont financés par l'État. Donc ils ont normalisé à peu près la moyenne sur 2 ans. C'est 14 000 euros par an et par personne pour le logement, plus l'équipe de suivi. Les autres services, ils sont pris en charge, on va dire, de façon classique. Donc, c'est pas l'État qui les a payés directement dans le programme expérimental. Ça a été rajouté. Ils comparent entre les deux groupes. Je vais vous donner quelques exemples de critères sur lesquels ils ont comparé pour voir ce qui est amélioré dans un groupe par rapport à l'autre. Vous avez par exemple tout ce qui est hospitalisation et urgence, tout ce qui est logement ou hébergement, amélioration de la qualité de vie, autonomie, donc le rétablissement, consultation médicale extérieure, donc tout ce qui va être des soins en routine, par exemple des soins dentaires, pas de l'hospitalisation en urgence, tout ce qui relève de la justice, si vous vous retrouvez en prison, et tout ce qui est médico-social en particulier, donc les aides alimentaires, les maraudes, le 115, les structures d'écoute et d'accueil, ce genre de choses. Quelque chose d'intéressant, c'est que dans les deux groupes, il y a une diminution sur tous ces trucs. Le simple fait d'être suivi de façon intense, de savoir qu'on est suivi et accompagné, même si on n'est pas logé, ça permet déjà d'améliorer en fait le recours à ces structures, c'est-à-dire de le diminuer et de constater que les gens vont mieux. Mais si je vous parle d'un chez soi d'abord, c'est que c'est beaucoup plus important dans le groupe un chez soi d'abord. Pour ce qui est de l'hôpital, en particulier urgence et psychiatrie, la diminution, elle est énorme. Ça tombe de 103 jours à 37 jours à partir de la première année, en fait. Ça se confirme sur les deux ans. Vous passez d'une centaine de jours à un peu moins de 40 jours. Pour ce qui est de la psychiatrie en particulier, vous passez de 79 jours à 24. Vous avez une diminution colossale. C'est pas anodin parce qu'une journée en psychiatrie, c'est 1300 euros. Une journée seulement, 1300 euros. Ces chiffres, c'est sur combien de temps ? C'est sur deux ans. Et ils ont fait une moyenne. Et en fait, il y a une méta-analyse statistique dessus. Donc, il y a tous les critères qu'on utilise actuellement pour décider que c'est, on va dire, entre guillemets, que ça représente la réalité, qu'il n'y a pas de biais ou quoi que ce soit. Donc ça représente en fait 70% des économies réalisées dans ce programme. Les 30% restants, en gros, c'est tout ce qui est logement, hébergement. Bah forcément, puisque quand vous êtes dans le groupe expérimental, on vous donne un logement dès le début, donc vous arrivez tout de suite dans un logement personnel et vous y restez. En fait, ils ont constaté que les personnes qui avaient un logement dans le groupe expérimental passer la quasi-totalité de leur nuit dans ce logement. Donc ils ont compté sur 180 jours, ils y sont à peu près 150 jours. Par rapport au groupe qui a un suivi classique, qui n'a pas de logement, bah vous avez une centaine de jours en logement personnel contre une quinzaine en fait. Donc en fait, vous y arrivez vite dans ce logement et surtout vous y restez. C'est ce qui est montré. Ce qu'ils attendent au bout de 4 ans, c'est de montrer qu'en fait les personnes sont toujours dans ce logement. Parce que c'est ce qu'on a constaté sur les études au Canada, dans différentes villes des États-Unis et en Europe. Pour ce qui est du rétablissement, donc amélioration des symptômes, mais aussi regain d'autonomie de la personne, pour les schizophrènes, c'était particulièrement net. À partir de 6 mois d'études, il y a une très grosse amélioration qui est constatée. Pour ce qui est des symptômes, crise d'angoisse, symptômes de manque, etc. Là aussi, vous avez une très grosse diminution à partir de 6 mois, en fait, qui est constatée parce que vous avez un suivi intense. Vous pouvez être soigné beaucoup plus facilement quand on sait où vous trouvez que quand vous êtes obligé d'aller prendre votre douche à un coin de la ville, d'aller manger ensuite dans un autre coin, d'aller faire vos démarches à la préfecture, de revenir, et ça, plusieurs fois dans la journée. La qualité de vie, ils l'ont mesurée avec une échelle qui prend 8 critères. Dans ces critères, vous avez le bien-être psychologique, l'estime de soi, les relations familiales, les relations amicales, la vie sentimentale, la résilience, donc comment est-ce que vous rebondissez après une phase de dépression, par exemple, le bien-être physique, l'autonomie, donc ça c'est ce dont je parlais avec le rétablissement. Et là aussi, c'est surtout dans le groupe des patients schizophrènes que c'était très net. À partir de 6 mois, vous avez une grosse amélioration, ils vont beaucoup mieux et ça se maintient sur les 2 ans en fait. Au niveau des consultations médicales, il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est que les personnes du groupe 1 chez soi d'abord, donc avec le suivi expérimental, elles vont faire beaucoup plus de consultations médicales de routine et beaucoup moins d'hospitalisations en urgence. C'est-à-dire que leurs soins dentaires, ils vont pouvoir les planifier plutôt que de débarquer aux urgences parce qu'ils ont un énorme abcès, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à une structure de soins. Donc ça aussi, ça a une influence sur leur qualité de vie, mais aussi sur les économies réalisées dans le programme. Pour ce qui est de l'hébergement, forcément, l'hébergement d'urgence diminue énormément dans le groupe expérimental, vu qu'ils ont un logement personnel. Exceptionnellement, ils séjournent encore dans des structures d'urgence, mais en gros, je vous ai dit, à 2 ans, ils passent en moyenne 150 jours sur 180 dans leur logement personnel. Et pour ce qui est du médico-social, c'est intéressant. Il n'y a pas forcément une diminution du recours, par contre, il y a une évolution. Ça change de forme. Les gens se nourrissent plus auprès de banques alimentaires qui leur envoient des colis, puisqu'ils ont une adresse, plutôt que auprès de distribution de nourriture, par exemple sous forme de maraude. Donc en fait, ça se réorganise. Je vais vous parler des coûts maintenant, puisque ces coûts, comme ils diminuent beaucoup, ça peut être un argument pour ensuite encourager le gouvernement ou des élus locaux à faire appliquer ce programme très largement. La diminution des coûts, elle est de plus de la moitié pour le programme expérimental, 57% en fait, sur les 2 ans, entre le jour où vous rentrez dans l'étude et au bout de 2 ans dans le suivi. Il y a un écart qui se creuse, plus l'étude avance, plus les coûts diminuent dans le groupe expérimental et ils tendent à remonter par contre dans le groupe classique parce que ils ont toujours besoin d'accéder aux soins d'urgence, de se trouver un hébergement en urgence, etc. Donc je répète les chiffres que j'avais dit. En moyenne, pour une personne qui a été 2 ans dans le programme expérimental, ça coûte 25 000 euros, 14 000 de la poche de l'État sous la forme de l'équipe de suivi spécifique, donc le psychiatre, les infirmiers, les infirmières, les travailleurs sociaux, les soins qu'ils vont pouvoir vous apporter avec toutes les structures dont ils ont besoin pour mettre en place les urgences, les astreintes et être là en permanence, le coût de votre logement aussi. Et en moyenne, ils ont rajouté 11 000 euros de recours aux différents services pour se nourrir, pour faire leur démarche habituelle. Dans le groupe normal, le groupe classique, on était à 28 500 euros en tout. Ça, c'est uniquement le recours aux services, en fait. Et vous devez rajouter pour les personnes qui accèdent à un logement l'intermédiation locative. Donc, il y a un coût supplémentaire dans certains cas. La grosse différence, c'est que sur le recours aux services sociaux et d'urgence, vous avez donc, je vous ai dit, une diminution massive dans le groupe expérimental hein, chez soi d'abord. Et cette diminution est plus importante que le coût du programme en lui-même. 17 500 euros économisés alors que l'État injecte 14 000 euros par personne et par an. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que habituellement on nous dit on peut pas loger tout le monde, on peut pas accueillir toute la misère du monde. On peut carrément et en plus ça coûte moins cher. C'est ça qui est magique quand même. Ça coûte moins cher parce que ça coûte moins cher de soigner quelqu'un en routine avec des petits soins planifiés que de le prendre en urgence quand il est vraiment très très mal. Et en plus, humainement, ça se discute pas. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La prévention. Voilà, c'est de la prévention exactement. Et en plus, là, c'est des personnes qui sont dans une situation particulièrement difficile. C'est-à-dire que aucun d'entre eux, par exemple, quasiment n'a pu obtenir d'emploi avant la fin de l'étude. Mais parce qu'en France, on n'emploie pas un schizophrène, on n'emploie pas quelqu'un de bipolaire, c'est très difficile, c'est stigmatisé. Mais par contre, si on imagine ce genre de dispositif appliqué à l'ensemble des sans-abri, il y a à peu près un quart d'entre eux qui a déjà un emploi. Enfin, on en a discuté tout à l'heure, il y en a qui l'ont bien expliqué. Donc eux, ils ont juste besoin de retrouver un logement pour retrouver de la stabilité. On a des familles avec des enfants. Les enfants peuvent retourner à l'école et faire leurs devoirs et vivre comme des enfants. Enfin, voilà. Ils ont ajouté une analyse de sensibilité, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de comparer critère par critère qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans ce programme. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé. Ce qui fait la grosse différence, c'est l'hospitalisation, en particulier psychiatrique. Je vous ai dit, une journée en hôpital psychiatrique, 1300 euros. Ensuite, le deuxième critère majeur de différence, c'est le recours aux structures d'hébergement d'urgence, à peu près 30% des économies réalisées dans le programme. Et la totalité du coût du programme, donc, je rappelle, est compensée par ces économies sur l'hospitalisation et sur l'hébergement d'urgence. Donc, je rappelle que ça, c'est les résultats intermédiaires, mais je vous invite à être à l'affût parce que les résultats complets vont sortir à l'automne. Sur le site dont je vous ai donné l'adresse et qui est sur les tracts qu'on a distribués, ces résultats complets vont permettre de voir si la tendance se confirme. On sait que ça s'est déjà confirmé aux États-Unis sur des études de 4 ans, donc il n'y a a priori pas de raison que ça ne se confirme pas en France. Et ils vont ajouter une analyse de prospection. Ils vont essayer de faire une étude d'impact budgétaire pour modéliser cet impact dans le cas où on étendrait ça sur tout le territoire et éventuellement à tous les SDF. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut vraiment s'en emparer. Une dernière remarque. Parmi les documents que vous pouvez trouver sur ce site, donc vous allez à l'adresse email que je vous ai indiquée, gouvernement.fr, publication de la DIAL. Il faut descendre jusqu'à l'onglet « Un chez soi d'abord ». Là, vous avez plusieurs documents. Vous avez donc la présentation du programme, les fiches de site. Vous avez le rapport quantitatif. C'est ce que je viens de vous résumer, en fait, les chiffres. Vous avez aussi un rapport qualitatif qui vous raconte comment ça s'est passé dans chaque lieu. Et quand je dis comment ça s'est passé, c'est par exemple Il y a deux associations qui n'étaient pas d'accord pour travailler ensemble. Comment ils ont fait pour passer au-delà? Les médecins n'étaient pas d'accord pour appliquer une nouvelle méthode qu'ils ne connaissaient pas. Comment ils ont fait pour s'arranger là-dessus? En gros, il y a eu énormément de polémiques parce que c'est une méthode nouvelle en France. Le rétablissement, c'est pas dans la tradition psychiatrique française. Le logement d'abord, c'est pas dans la tradition d'aide aux sans-abri. Mais comme les gens qui étaient dans ces études étaient particulièrement motivés, déterminés, à chaque fois ils sont passés au-delà. Ils ont su profiter d'un contexte électoral qui était favorable pour lancer le programme de soutien interne aux institutions, en particulier à assez haut niveau, au niveau des ministres, et ils ont réussi à mener cette étude à terme. Donc là, elle est officiellement terminée. Ils sont déjà en train de discuter pour essayer de faire pérenniser le programme. C'est dans leurs recommandations. Ils disent qu'il faut pérenniser le système. On pourrait demander de l'étendre à toutes les catégories de sans-abri. Et voilà, je vous invite du coup à aller voir leurs résultats à l'automne 2017, quand les résultats complets seront publiés. Nous, de toute façon, on sait où ils sont, on refera le même travail, et s'il le faut, on le diffusera. Voilà. Et puis, si vous avez des questions sur des points du programme que je peux essayer d'éclaircir, sachant que voilà, je suis quelqu'un d'extérieur et je fais juste une analyse synthétique de ce qu'ils ont fait. C'est très intéressant. Bien, merci. Oui, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, du coup, j'en ai une déjà. Enfin, deux. La première, c'est comment est-ce que tu as eu accès à ce truc-là? Comment tu t'y es intéressé? Et finalement, qui connaît ça? Enfin, voilà. Est-ce que c'est vraiment accessible à beaucoup de personnes? Est-ce que c'est rendu aussi visible? Et du coup, l'autre question va avec. Une fois la fin des études, est-ce que ce sera passé sous silence comme n'importe quoi ou est-ce que ce sera rendu visible? Et l'autre question est différente, donc. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Dans l'ordre, comment j'ai trouvé ça? J'étais sur un site internet sur lequel j'allais régulièrement et puis quelqu'un parlait d'une expérience américaine. Une expérience qui a 10 ans de recul. Et eux, à 10 ans de recul, ils ont logé 91% de leurs sans-abri. Ils sont tous allés les trouver. Enfin, ils ont essayé parce que c'est pas toujours facile. Comme je vous disais, il y a un cheminement quotidien pour pouvoir assurer vos besoins vitaux, d'hygiène, de nourriture, etc. Dans une ville. Donc il y a des critiques aussi sur la façon dont ils comptent leur sans-abri dans cette étude, mais à la base, ils disaient ça, ils avaient des résultats spectaculaires. Et je me suis dit, même si la méthode de calcul est mauvaise, ça ne va pas retomber de 90 à 10%. Il y a un milieu entre les deux qui va être atteint. Je me suis dit, c'est vraiment dommage que ça n'existe pas en France. Et j'ai commencé à chercher, et je ne sais plus comment exactement, mais j'ai fini par voir qu'il y avait un programme français là-dessus, qui s'appelait Un chez soi d'abord, et du coup j'ai été chercher leurs résultats. Au début je les avais pas trouvés, je voulais contacter des associations qui étaient dedans pour qu'elles m'en parlent, et le référent de l'équipe de Lille m'a donné le lien vers les publications. Donc en fait c'est public mais personne sait que c'est là. On a un petit peu discuté à Nantes avec des associations, par exemple le Carillon est en train de s'implanter à Nantes. Il y en a certains parmi eux qui ont entendu parler du programme. Il y en a d'autres qui ont entendu parler de programme de logement d'abord, mais ils savent pas qu'il y a une expérience française. Donc on a décidé qu'on allait essayer de le faire connaître, d'où notre présence ici aujourd'hui. Et en fait, on a fait une synthèse. Je pourrais l'envoyer pour qu'elle soit relayée sur le site de Nuit Debout Paris, par exemple. Et on l'envoie en fait aux associations qu'on rencontre. On leur dit, voilà, on a vu ça, est-ce que ça vous intéresse? Et puis peut-être qu'après, on pourra faire quelque chose ensemble une fois que ça aura diffusé. Du coup, je sais plus si j'ai répondu à toutes tes questions, je crois qu'il en restait une. Grosso modo, il y a quelques personnes qui le connaissent, et si c'est passé sous silence après, je pense pas, parce que les personnes qui étaient dans cette étude sont très impliquées, visiblement. Enfin, ils ont énormément bataillé pour obtenir ça, et à la base, c'est un squat autogéré qui a lancé ce truc, donc c'est des gens qui sont vraiment à fond dedans. Je pense que eux, et d'une, ils lâcheraient pas le morceau. Ils sont déjà en train de se mobiliser pour que ça soit pérennisé, et je crois qu'il y a déjà des propositions de loi, je sais pas trop comment ça fonctionne pour avaliser ce type de projet, qui ont été passées dans le sens d'une pérennisation. Ensuite, nous, on peut être là pour que ça se passe, hein, clairement. Enfin, à l'automne 2017, on sait que les résultats sortent, on les décortique et on a un réseau, on peut communiquer entre Nuit Debout avec des associations, voilà, on fait connaître les résultats. Et après, si tout le monde demande en même temps, oui, pourquoi on fait pas ça? En plus, ça coûte moins cher. Voilà, quoi, c'est. On peut aussi les aider là-dessus à faire pression pour que ça soit pérennisé et diffusé. Moi, c'est peut-être un peu précoce, mais là, en t'écoutant, je me dis c'est tout de suite qu'il faut faire pression, puisqu'il va y avoir des élections et que tous ces hommes veulent se faire élire. C'est en ce moment. Si, si, je suis sérieuse. Hein. Si on, je ne sais pas comment on peut faire, mais on peut faire, puisqu'on arrive à faire plein de trucs avec tous les moyens techniques qu'on a. Et puis, nos forces physiques, il faudrait utiliser ça pour le mettre sur le débat public pendant la campagne électorale. Alors j'ai eu une proposition de Sébastien qui était ici, qui gère la commission Sans Logique et à Dax maintenant. Lui, il est carrément pour qu'on aille voir les candidats et qu'on leur mette le programme. On sait que Mélenchon a un programme pour les sans-abri, mais la façon dont il en parle, apparemment il connaît pas les données de cette étude. Parce qu'il parle pas du médical, il parle du logement, point, en fait. Il connaît les données sur la mortalité énorme en fait à l'année. On l'estime à peu près 2000 personnes par an. Si ça se trouve, c'est plus parce que c'est très difficile de savoir voilà, si c'est vraiment des sans-abri ou pas. Mais on a abordé la question. Donc là, j'en ai pas parlé tout de suite parce que on voulait pas prendre la décision depuis Nantes tout seul de le faire. Mais ça peut être carrément un projet voilà, à discuter avec un petit peu tout le monde. Mais on a décidé du coup de commencer par le faire connaître aux associations. Parce que y a quelque chose qui sera très intéressant. En fait, on peut être refoulé pour l'instant sur le fait que c'est les données intermédiaires, qu'on n'a pas la preuve entre guillemets définitive établie et qu'on n'a pas l'étude de projection. Moi, je travaille en médecine, je connais ce type d'étude. L'économie de la santé, c'est quelque chose de terrible. Vous pouvez avoir un médicament hyper efficace. Si l'étude coût-bénéfice montre que ça revient trop cher à la société, ça ne passe pas. Donc là, on sait que c'est moins cher, mais il faut... Voilà, on peut patienter quelques mois encore, je pense, même si c'est facile à dire quand on a une maison, etc. Voilà, mais on a une super opportunité d'avoir une étude qui est irréfutable en fait sur le plan scientifique. On peut pas faire mieux là, et qui prouve que ça coûte moins cher et qu'il y a aucune raison de pas le faire. Que si ça se fait pas, là on peut vraiment dire mais c'est un choix politique. Alors pourquoi vous laissez les sans-abri dans la rue? Ce serait pas pour faire pression sur les autres à l'emploi en disant sinon vous allez finir pareil à la rue? Enfin. Voilà, là on peut mettre en lumière le fait qu'il y a un choix politique de laisser des personnes dans la mouise. Voilà, du coup, je suis d'accord, c'est hyper tentant, mais d'un autre côté, pour faire peut-être les choses à fond et super de façon très carrée, on pourrait commencer à informer, et puis ensuite, c'est sur les résultats définitifs qu'il faut se battre, je pense. Moi, je voulais relever que. Effectivement, cette étude elle est formidable et les résultats sont pas étonnants, somme toute. Hein, quand on réfléchit, c'est pas étonnant du tout. Mais tu parlais tout à l'heure de volonté politique, effectivement, alors c'est très important. On assiste à strictement l'inverse. Les SDF ne sont pas chassés à coups de bâton, pas encore, mais peut-être ça viendra. Mais par contre, ils leur font la vie extrêmement dure. Il y a pratiquement plus de bains-douches à Paris. Le peu qui reste, la plupart sont en grands travaux pour longtemps. Ils coupent les robinets dans les parcs publics. C'est terrible ce qu'ils font, c'est absolument inhumain. Ces gens-là sont pas prêts à appliquer, parce que pour le problème de la délinquance et des prisons, ça se pose dans les mêmes termes. Ils font strictement l'inverse. Systématiquement, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Effectivement, M. Mélenchon, lui, a un programme pour les SDF, zéro SDF. Et je pense, effectivement, peut-être qu'il n'est pas au courant de cette étude, je pense sûrement qu'elle intéresserait. C'est un homme intelligent qui réfléchit et serait sûrement intéressé par cette étude. C'est vrai que, enfin, on le voit dans l'urbanisme et tout, il y a une évolution vers la chasse des SDF des beaux quartiers, au minimum. Parce qu'on a des bancs qui ont des accoudoirs en plein milieu pour qu'on puisse pas s'allonger dessus, par exemple. On sait que la ville de Paris, elle aime bien mettre des grosses pierres sous les ponts pour que les sans-abri puissent pas s'allonger, voilà. Donc oui, on n'aime pas voir les sans-abri, visiblement, dans certaines villes. La mairie aime pas trop ça. Après, pour décider, moi je serais d'avis de pas juste le donner à un candidat, mais de le projeter à tout le monde. Parce que si ça arrive dans le débat public... À la limite, on s'en fout qu'eux, ils essayent de l'appliquer ou pas. Si ça passe à une heure de grande écoute à la télévision, c'est gagné. Enfin, il y a plein de gens qui vont se dire « Ah ben merde, alors, on nous a habitués à penser que prendre les gens en charge, ça coûtait cher, parce qu'on appelle ça des charges. Enfin, voilà, on voit les cotisations sociales, on appelle ça des charges patronales, des charges sociales. Alors qu'en fait, non, c'est un investissement social qui revient. Ça coûte moins cher. Finalement, on réinsère des gens, ils peuvent retrouver une vie, consommer comme les autres, avoir un job, voilà. » Donc, ouais. Il y avait monsieur. Juste que tu fasses, voilà. Il y a moi. Et après, il y a. Non, mais il y a On fait un ordre, on vous oubliera pas, t'inquiète pas. Ouais, moi j'allais dire un truc, tu vois, moi je suis le roi de la rue, donc moi j'ai pas choisi, la rue a choisi Marois. Donc moi j'allais dire quelque chose, c'est que pour représenter les gens de la rue, tout ça, bah il y a plein de gens qui se retrouvent dans la rue par une faute de travail ou dans l'ordre personnel, et mettre du médical dedans. C'est une bonne idée, enfin, mais c'est pas certainement ce qu'ils attendent forcément, parce qu'il y en a plein de gens qui veulent en profiter des situations, et voilà, quand ils touchent un certain salaire, une certaine subvention par rapport à une maladie, ils bougent plus, après toute leur vie, ils travaillent plus, ils bougent plus rien, hein. Ils ont le logement, l'argent, et ça coûte. Et ils sont en plus dans des situations où ils sont demandeurs d'emploi et ils cherchent pas de travail, donc ça pas d'intérêt, c'est plus l'intérêt, je trouve moi l'intérêt de la société, c'est de trouver vraiment du travail à des gens et l'emploi et le logement en priorité, parce que quand on n'a pas de logement, on ne peut pas travailler, c'est ça en fait. Et le travail, c'est la santé, c'est vraiment, même si vous êtes du milieu médical et vous proposez un système très valeureux par rapport aux gens qui ont des problèmes de santé, et bah sachez que dans la rue, il n'y a pas que des gens qui ont des problèmes de santé. Et il y a plein de gens qui sont dans la rue, vous ne savez même pas qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils sont là, ils vivent leur vie, ils sont à côté de vous, ils vous parlent dans un endroit où un café coûte 2,50€ ou 1€, ou on ne sait pas, 1,50€ ou voilà un prix, et vous ne savez pas qu'ils sont là ou là ou là, mais ils vous le diront pas. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à juger ou prendre des initiatives par rapport aux gens que vous connaissez, vous, de la rue d'avant. Ça veut dire la personne qui dormait sur le banc avec le chien en bas ou je sais pas quoi, alors que la personne, il est habillé peut-être mieux que quelqu'un de votre entourage. Et ça passe, ils s'en foutent. Enfin, l'habit, c'est juste une façon de dire, voilà, c'est par rapport aux situations, par rapport à là où on va, par rapport à plein de choses. Et voilà, tu vois. Ça veut dire... Sur le côté médical, en fait, l'étude, ils l'ont faite sur juste des sans-abri qui ont des troubles psychiatriques graves. Je pense que c'est stratégique. Ils n'auraient pas pu faire cette étude en disant « il faut loger les gens parce que c'est plus humain ». Là, ils ont rusé, en fait. Ils ont fait passer ça pour une étude scientifique médicale en disant « vous voyez, enfin voilà, ça montre, en fait, on économise de la santé. On sait bien que nos ministres adorent faire des économies. Ça coûte moins cher. C'est génial ». Et l'objectif, après, nous, on peut être là derrière pour dire pourquoi on ferait pas ça pour tout le monde, finalement. Donc, c'est pas pour médicaliser non plus les sans-abri. Ouais, voilà, parce que ça, je suis d'accord que c'est quelque chose d'horrible. C'est pas du tout rendre l'autonomie aux personnes. C'est créer un problème encore pire et c'est faire en sorte qu'on est sûr qu'elles en sortent jamais. Elles sont jamais autonomes après ça parce qu'on les écoutera pas. Là, comme ils sont sur la philosophie du rétablissement, c'est les gens qui doivent faire leur choix. Et... comme je disais, là, par exemple, ils pouvaient sortir de l'étude quand ils voulaient. D'ailleurs, on a le décompte des gens qui ont quitté l'étude au bout de 2 ans parce que ça leur convenait pas, ou voilà. Mais c'est une stratégie, en fait. Je pense qu'ils n'auraient pas obtenu les financements et le feu vert du gouvernement pour faire cette étude dans 4 villes avec un gros investissement scientifique et tout. Et le fait de le présenter comme un truc scientifique et médical, ça a permis de faire le social, en fait. C'est expliqué dans leur rapport, s'ils appellent le rapport qualitatif, c'est là où ils expliquent les choix des acteurs, en fait, des associations et tout, et ils disent clairement, ils ont utilisé ça, parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas les sous pour le faire autrement. Donc ils ont dit, non mais c'est une expérience scientifique, voilà, donc c'est pas les mêmes qui décident que d'habitude, c'est pas ceux qui s'occupent d'habitude des sans-abri, c'est ceux qui s'occupent d'habitude de la santé, et les médecins, ils savent qu'on leur demande de faire des économies, qu'en plus, gérer quelqu'un qui est en crise psychotique, c'est très difficile, pour le médecin, pour la personne. Donc c'était pas tout à fait les mêmes personnes, ils s'étaient pas habitués à ces problèmes là, ils étaient beaucoup plus attentifs. Donc c'est une stratégie, en fait, clairement. D'accord. Voilà. Mais après je partage voilà ce que t'as dit, je comprends. Pas de soucis. Okay. Marc? Non, je voulais pas parler. Bah du coup il y avait François. Bon, petite question pour sortir un peu de cette étude, parce que là j'ai pas mal de gens sur Periscope qui me posent des questions, et en gros qu'est-ce qu'on peut leur répondre concrètement à la phrase qu'on entend tout le temps, c'est que moi je cherche un appart et il n'y a jamais rien pour moi, et c'est le genre de questions, je sais que c'est qu'on redescend un peu dans la hauteur du débat, mais c'est quand même des préoccupations concrètes qu'ont les gens d'aujourd'hui à chercher réellement un appart pour maintenant. Et du coup, est-ce qu'on a une réponse un petit peu concrète à leur apporter pour leur dire, voilà, enfin, si tu cherches vraiment un appart et que t'es vraiment dans la merde, tu peux appeler tel ou tel collectif ou tel machin. Alors, je suis désolée, mais je suis mal placée pour répondre à cette question. L'étude, ils l'ont volontairement restreinte là-dessus parce que s'ils avaient mis une revendication politique dedans, ça serait pas passé, en fait. Clairement, ils ont gommé leurs revendications politiques pour faire passer ça comme une expérience scientifique. Mais on est d'accord qu'il y a une dimension politique très forte dedans. Loger les gens sans condition, c'est une revendication politique au sens le plus noble possible du terme. Sur le logement, du coup, là, je pense que c'est plutôt des acteurs comme monsieur... avec le droit au logement et d'autres acteurs associatifs qui peuvent répondre beaucoup mieux que moi. Il y a des projets aussi de personnes voilà, qui voudraient... on parlait tout à l'heure de Mélenchon, on sait qu'il a des projets de réquisition puis de construction de logements, etc. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai été étudié, donc je m'avancerai pas dessus et je laisserai la parole aux personnes qui ont vraiment travaillé sur cette thématique. Voilà. Avec Khaled et puis après. Ouais, c'était juste une question, c'était à propos de tu disais qu'aux USA en fait ça il y avait j'ai pas envie d'être filmé, tu m'excuseras, merci. Voilà. Il y en a marre d'être filmé. En plus sans demander aux gens leur avis. On peut respecter la vie privée des gens, ça c'est un petit aparté, excuse-moi. Donc tu disais qu'aux USA, avec ce système, ils avaient supprimé, ils avaient réussi à avoir 91% de... Ah, que dans une ville. Mais dans une ville, c'est énorme déjà. C'est-à-dire qu'avec ce système, dans une ville, il y avait 91% de moins de sans-abri, de gens dans la rue, quoi. Alors, il s'agit de l'Utah, l'État fédéral, enfin, pas l'État fédéral, l'État de l'Utah aux États-Unis. Le gouverneur, en fait, a décidé de lancer ce programme dans les années 90. Et les données officielles, c'est que 91% des sans-abri ont été relogés. Certains ont retrouvé un travail avec leur famille, etc. Après, comme je disais, il y a des critiques sur la façon dont on compte les sans-abri. Parce que eux, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous choisissez un jour par an, vous lâchez vos équipes qui essayent de recenser tout le monde, sachant que vous allez forcément rater du monde. Soit vous essayez de faire ça dans la durée en passant par les centres d'hébergement pour voir combien de personnes ils accueillent par jour. Donc c'est très compliqué en fait à estimer. C'est toujours approximatif. Oui, alors sur l'étude américaine de l'Utah, je ne sais pas où ils en sont. Sur l'étude canadienne qui a servi de base, ils essayent forcément de proposer un logement correct. Et ce qui était intéressant sur l'étude française, c'est qu'en laissant le choix de 3 logements, qui devaient être décents, avec une équipe médicale en plus qui était là pour constater tous les jours l'état des lieux, ça donnait quand même une certaine garantie contre le mal-logement. Mais je suis d'accord que c'est aussi un autre gros problème à résoudre qui n'a pas été abordé par cette étude, par contre, spécifiquement. Voilà. Mais dans l'étude canadienne qui a servi de modèle, le maire de la province, enfin le gouverneur de la province, je ne sais plus comment ils disent, qui a lancé ça, c'est un ancien médecin cancérologue, donc il vous dit on ne soigne pas une maladie en traitant les symptômes. Il considère que se retrouver à la rue et pas pouvoir en sortir alors qu'on le veut est une maladie. Il dit, bah voilà, si vous êtes à la rue, bah le traitement, c'est donner un logement aux personnes qui le veulent. Et dans sa ville, il s'engage à vous reloger en 10 jours. Vous vous pointez en disant, je suis sans abri, j'ai plus de logement. Vous pointez à la mairie ou dans une structure d'accueil spécialisée. Vous allez passer à peu près 10 jours en hébergement d'urgence. Et au-delà de ces 10 jours, vous avez un logement personnel permanent qui vous est donné. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il y a aussi toujours voilà, des critiques possibles sur la façon de compter les personnes, de recenser, parce que c'est difficile, et en France, comme c'est une méthode nouvelle, c'est très compliqué. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, quand je parlais des études sur la mortalité des personnes à la rue, les chiffres qui sont bien connus du collectif des morts de la rue, c'est 300-450 personnes par an. Là, elles sont parfaitement... c'est des personnes qui sont... la plupart du temps identifiés, pour lesquels on va pouvoir faire une petite cérémonie de... Bon. Une petite cérémonie de funérailles, en quelque sorte. Les études où on recroise les données de mortalité publique, des hôpitaux, etc., ça donne entre 2000 et 3500 personnes, en fait. Ce qui est quand même colossal. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore défini la méthode pour les compter vraiment. Donc on en rate à chaque fois. Donc il y a aussi un apprentissage à faire du point de vue des outils à développer pour aider les personnes. Il faut déjà bien pouvoir évaluer leur situation. Et on n'est pas encore au point là-dessus en France. Voilà. Mais heureusement, il y a d'autres pays qui sont déjà en avance sur nous et on peut s'inspirer d'eux. C'est ce qui s'est passé pour un chez soi d'abord. Voilà. Pour revenir à la question de actuellement, avant l'arrivée de ce programme, donc de éventuellement aider les gens par passer le terme, vous êtes à la rue comme une maladie à. Dans une société qui est la nôtre et de vouloir absolument la guérir par les moyens qu'on a, ça veut dire mettre tous les moyens en ordre et la main dans la main avec le médical, le social et les moyens financiers pour résoudre un problème de société qui est les gens qui dorment dehors dans la rue, qui sont trois quarts du temps dans la rue, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, qu'ils ont besoin d'un logement pour pouvoir s'exprimer dans leur société, dans leur vie et vivre leur vie pleinement comme toute personne qui se respecte dans ce pays. Parce que ce pays respecte les personnes et les pays et les gens doivent le respecter et on doit tout pareil. C'est ça la liberté et la fraternité à mes yeux. Et voilà, tout à l'heure on a parlé par rapport à un programme, donc ils m'ont demandé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour actuellement, voilà, par rapport à ce débat-là. Et ben, moi, je dis, on peut proposer un numéro qui est alternatif au 115, un numéro dans une association qu'on va créer, qui relaie le 115 et qui relaie absolument tous les gens qui peuvent loger quelqu'un chez eux et que les personnes qui veulent se loger, donc ils se présentent. Au téléphone, on leur pose plein de questions, ils répondent à toutes les questions. Ouais, c'est à la rue ça. Ouais. Donc là, les personnes qui sont dans la rue, ils répondent à toutes les questions qu'on leur pose. Et c'est limite s'ils se présentent physiquement avant d'y aller au rendez-vous où la personne elle va les accueillir. Parce que les personnes, il y a des personnes, voilà, ils ont fait un dîner, ils étaient 8, après la personne se retrouve toute seule ou tout seul dans l'appart, il reste plein de vaisselle, il sait pas, hop, il lance un mail, j'ai fait un dîner, il y a plein de gens, il reste la vaisselle, je propose mon canapé contre vaisselle ou rien, ou, voilà, j'ai juste le canapé de disponible pour une personne ou une chambre d'amis, comme tout à l'heure on parlait. Et tout ça c'est faisable, on fait un numéro et après on relaye plein les gens, tous les gens à travers des sites et des associations donc qui veulent aider les gens qui sont dans la rue vraiment, qui veulent les aider. Et après quand on nombre de ces associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont liées pour ce projet-là, et ben on va juste vérifier toutes les informations par rapport à la personne qui se présente au téléphone ou physiquement. Et la solution, c'est le jour même, direct, et il n'y a pas de nom. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit beaucoup nombreux à véhiculer ce message à travers tous les réseaux des associations et de dire aux gens on peut. Les associations, ils sont déjà là. Le programme, il est dans nos têtes. Donc, on veut le faire. Et on est plein des gens, des associations. Moi, là, j'ai sur moi donc la solidarité à Paris hiver. Donc, là, j'ai tous les noms de toutes les associations de Paris. Et là, on va démarcher, on va les voir. On va essayer de voir comment faire le plus possible pour trouver un logement pour tous. Avant déjà, un logement quand on dort, quand une personne elle a un logement le soir jusqu'à demain matin, c'est reposant, donc la journée elle va faire peut-être sa vie la journée, elle fait ça 2, 3 jours, 4 jours, après elle demande une adresse, c'est une semaine, après ça débouche sur un travail parce que les gens qui sont à la rue, c'est pas des gens forcément fainéants qui ne servent à rien ou qui c'est des gens... extérieur à la société, ça veut dire des gens indésirés ou indésirables ou voilà, ils ont juste des complications dans leur parcours professionnel, ou personnel, ou parcours de vie normal qui les a menés à être dans une situation compliquée qui est la rue. Alors, elle ne pardonne pas, elle est là, c'est tout, on est dedans. Et nous, on la connaît. Même si on passe toute sa vie à essayer de la connaître, on ne la connaîtrait pas à 100% parce que chaque rue, elle est différente que l'autre et toutes les rues, elles sont pareilles. Voilà, et voilà, il n'y a pas de règles. Il n'y a rien de spécial. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut, nous, pour sortir les gens de ces situations compliquées, d'être dehors pendant qu'il est vert, d'être dans le froid, de dormir à moitié, le lendemain à dormir. Les gens le voient, oh, il dort, il ne veut pas chercher du travail alors que, parce qu'il n'a pas dormi la nuit, parce qu'il dort la journée. Et c'est compliqué, c'est un cercle infernal qui pour s'en sortir, il faut qu'on soit tous ensemble. Ça veut dire on se relaie, on serre les mains, on soit lié par rapport à ça, à ce problème de société. Comme vous avez le côté médical, donc vous voulez aller dans le but, ça veut dire de trouver les fonds financiers et des organismes, monter carrément des organismes pour éventuellement aider les gens, et ben nous on va trouver les gens qui sont chez eux, qui ont habité, qui ont déjà des habitations, et trouver juste leur numéro de téléphone, faire le relais de communication, communiquer, voilà, une telle personne elle veut venir et comment elle va gérer sa nuit et tout. Et après on rappelle la personne pour dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu et tout. Et voilà, un suivi comme ça, petit à petit comme ça, hein. Enfin, il faut commencer de toute façon. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus. Juste pas faire trop comme ça, s'il y en a d'autres qui veulent parler. Oui, un échange entre deux personnes. Donc, ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, le plus dur c'est le premier pas. Donc, voilà. C'est le premier pas parce que c'est le plus concret, sincère et le plus compliqué à faire parce qu'il faut aller vers les gens et il faut que les gens soient réceptifs. Et que ce qu'on dit soit recevable, ça veut dire qu'il faut que ce soit préparé, organisé, concret, sincère et précis. Ça veut dire qu'il faut donner le maximum à chaque fois. Et ça, c'est le premier pas. Donc, voilà. Bah, après, on peut chercher, développer et trouver. Mais pour le premier pas, là, il faudrait qu'on soit tous vraiment là ensemble et être capable pour aller au mieux de ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut faire beaucoup, car on est beaucoup, on est nombreux et ça. Voilà, ça c'est bien dit. C'est le voyage de 1000 pas, de 2000 km commence par un petit pas, c'est vrai. Voilà. Tu veux réagir par rapport à ce qui a été dit ? Et juste je dis aux autres, là on est sur la journée, donc solidarité logement. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des expériences même à partager par rapport à ça. Ce qu'on essaye, c'est de créer un réseau de solidarité à partir des collectifs qui existent déjà. Donc là, on a appris une expérimentation qui avait été mise en place et qui est très intéressante et qui pourrait s'élargir à tout le territoire. Donc, voilà, n'hésitez pas à participer, le micro peut circuler sans problème. Donc je reviens rapidement sur ce que tu avais dit à la fin. Effectivement, c'est tous ensemble qu'on peut y arriver et... Et tous ensemble selon ses moyens, c'est-à-dire par exemple, un psychiatre, il va vraiment intervenir sur ce qui est son domaine d'intervention. Et même quand on veut loger quelqu'un, ça s'improvise pas toujours. Faut savoir ne pas être intrusif, tout en sachant conserver aussi son propre espace, son autonomie. Donc il y a carrément besoin en fait de s'accompagner tous les uns les autres, ceux qui ont une expérience, qui peuvent ensuite aider ceux qui débutent, on va dire, là-dedans. C'est pour ça que l'idée de travailleurs pairs, des personnes qui ont vécu la rue, qui ont vécu les troubles psychiatriques pour cette étude aussi, sont très importants parce que non seulement ça peut être une porte d'insertion pour les personnes sans abri qui sont dans ce cas-là, en leur disant t'as passé 5 ans dans la rue, tu connais vachement bien la rue, du coup tu sais comment on peut aller voir les gens sans les froisser, si c'est le moment d'aller les voir ou pas, alors que moi par exemple je le verrai peut-être pas en fait, parce que je saurais peut-être pas reconnaître le signe qui veut dire qu'il a pas envie qu'on l'emmerde à ce moment-là ou qu'il a besoin d'être tout seul. Donc on a vraiment besoin de l'expérience de tout le monde. on note, on vous laisse tranquille. Donc voilà, et l'expérience en fait des personnes elles-mêmes est hyper importante parce que on peut pas faire sans eux. Enfin, on fait pas contre eux, on fait avec eux. Et pour faire avec eux, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Il y a d'autres questions, d'autres réactions. Salut. Le chef de Ah non, je chante faux. On serait deux à parler jusqu'à l'arrivée des questions. Ouais, non, attends, j'avais juste un... Ce qui m'avait perturbé au début quand j'avais lu cette étude, mais que finalement je trouve ça très intéressant, c'est tout l'aspect économique, scientifique, les mots trouvés, et en même temps c'est mettre un pied dans la porte. C'est-à-dire, ils utilisent les codes des dominants, j'ai envie de dire, pour expliquer que voilà, on comprend parfaitement votre langage, on sait l'utiliser, et justement en rentrant dans votre langage, en rentrant dans vos codes, on vous montre que ça marche. Donc, soit vous dites que ça marche pas, mais vous pouvez pas nous remettre en place sur des aspects plus humanistes ou plus des choses à côté. Donc à la première lecture de l'article, on peut se dire, ouais, encore un truc économique qui est complètement dans ce système, etc. Mais justement, c'est pour permettre l'autre chose derrière. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. En poussant le trait jusqu'au bout, on peut presque dire que c'est un cheval de Troie, en fait, cette étude scientifique. On pourrait tout à fait dire, logeons les gens parce que bah c'est pas cool de pas avoir de maison, point. Là, ils disent... Ouais, mais en fait, ça coûte moins cher. Enfin, voilà, c'est... Même si vous avez des gens qui ont un cœur de pierre ou qui ont un porte-monnaie à la place du cœur, bah là, vous parlez au porte-monnaie et vous leur dites, même vous, vous avez une raison de le faire. Enfin... Donc voilà, ça montre que c'est faisable et intéressant pour tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut surprendre au début en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui va chiffrer des vies humaines ? Et ouais, mais bah malheureusement, le chiffre, c'est dit d'ailleurs dans le rapport qualitatif, il y a une dame d'une association qui dit... Le chiffre, il n'y a que ça qui est écouté, finalement. Il n'y a que ça qui marche. Ils veulent qu'on cause en chiffres. Ok, on va causer en chiffres. On va y aller jusqu'au bout. Allez. Ouais. Bah, il faut parler en chiffres. Hein. Il faut parler chiffres. Chiffres d'affaires, chiffres de fer, chiffres de chacun. Tout un chacun a un chiffre qui le représente. Peut-être son chiffre de chance, de son jour d'anniversaire, son chiffre de compte en banque, c'est ce qui compte le plus. La porte de chez soi, le salaire, ouais, comme il l'a dit. Voilà, on a touché quelqu'un, quelque chose. Voilà, tu vois, il faut qu'on soit tous ensemble avec nos chiffres. Et on va pas se laisser faire contre des gens qui nous parlent, c'est vrai, ils parlent à nous, mais avec un langage, on le comprend à 40% ou à 30%, parce que, voilà, la plupart du temps, ils nous parlent à des entreprises qui coûtent 10 milliards, alors qu'on a nos salaires, ils touchent pas les, voilà, on a un salaire de salariés, ils nous parlent d'entreprises qui sont délogées dans un pays à un autre, nous, on cherche un appartement, ils nous parlent d'économie, de social et de nous on veut représenter le pays et d'être ici, nous soyons tous fiers de nous, fiers de notre pays, fiers de notre économie, de notre société, parce qu'on n'est pas arrivé au hasard. La République, c'est le développement humain le plus possible dans la République. La République, voilà, je retourne aux Républiques, parce que la République, c'est le développement, c'est le summum de la politique. Ça veut dire la depuis toute l'humanité, la politique, elle s'est développée jusqu'à l'arrivée de la République. Et là, quand on donne le pouvoir aux personnes qui sont le plus influentes, ça veut dire avec leur nombre et avec leurs personnes qui sont persuadées d'être d'accord avec ce qui se passe et ce qu'on dit et ce qu'on véhicule à travers eux, parce que c'est eux c'est eux notre machine, c'est eux qui nous font vivre et qui nous font avancer. Eh ben c'est ça la République, c'est la plupart des gens qui sont d'accord pour quelque chose, et ben c'est ça qui se passe, et c'est ça, c'est pas de dire quelqu'un, oui, vous êtes quelqu'un de bien pour le pays, du coup on va vous voter pour être nous représenter, voilà, comme si une personne elle va résoudre tous les problèmes du pays. Bah en fait, pour chaque problème il faut une personne, voire des personnes, il faut que quelqu'un il soit plus on approche avec les gens et savoir de quoi on parle, de dehors, de là-bas et de chaque problème et de chaque situation, et de faire le tiers et faire le nécessaire par rapport à tout ça. Ça veut dire être capable de raisonner, de trouver les bonnes personnes pour chaque situation et chaque problème à une solution. C'est clair, c'est voir toutes les éventualités et choisir la meilleure pour le plus de nombre possible. Voilà, ça veut dire nous comment on fait, voilà, on est ici à la République, on représente c'est la street, tout ça, mais bon, tu vois, moi j'ai des études derrière moi, j'ai tout ça, et là principal. C'est le vécu qui fait, voilà, tu avances avec ton, ce que tu véhicules à travers tes mots, à travers ton vécu, à travers ta vie, à travers tes expériences, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire surtout. Parce que les gens, ils comptent sur ce que tu vas faire. Parce que avec tout ça, voilà. Parce que quand t'es bon en maths, quand t'es bon en sciences, t'es bon en sport, et t'es bon en art, et t'es bon en histoire, en culture, en culte, et autres, et bah si quelqu'un a le tiers de la moitié de ce que tu fais, il s'en sortira mieux que toi, parce que toi tu fais tout ça et c'est trop, tu vois. Parce que trop c'est trop. Il faut quelque chose qui soit au summum. Mais voilà. Moi je t'ai choisi. C'est comme ça. C'est la rue. Elle a dit ouais, voilà. Tac. C'est comme ça. T'es comme ça. Voilà. C'est ça ton poste. Tu vas à gauche, droite, ça sera ça. Il n'y a pas mieux pour représenter. Voilà, tu es théoricien, ça veut dire moi je trouve des solutions à des problèmes. S'il n'y a pas de problème, moi je suis dans. Voilà, je suis pas bien. Ça veut dire je ne sers à rien. Mais heureusement, on arrive à trouver des solutions à des problèmes. Mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler des situations qui coûtent ou des problèmes. Des entreprises ou des résultats de des millions quand on n'a pas 1,50€, 2,50€ pour payer un café. Quand on est habillé d'une certaine façon, de la street, on est là, on parle d'une façon, et quand on est là, on représente ce qu'on est, et bah le langage il change à travers par rapport à ce qui est devant nous, ça veut dire à qui on s'adresse et comment on est physiquement aussi. Parce que les gens ils le voient et ils nous posent des questions, c'est par rapport à nous aussi. Ça veut dire le physique ça compte aussi, l'apparence. Voilà, c'est pas des éventualités, c'est des évidences. Ah, monsieur. Donc déjà, je tiens à te remercier et te féliciter pour cette recherche, parce que c'est quelque chose qui parle. Et justement, pour répondre à tout ça, j'ai envie de dire, étant donné qu'ils nous considèrent comme des numéros, on n'a qu'à leur jeter leurs chiffres à la gueule, en fait. Et du coup, là-dessus, je suis vraiment à 100% pour cette alternative. Et puis, à toi, je te proposerais, si tu es motivé, d'intégrer un collectif qu'on est en train de réfléchir. On a encore rien posé sur le papier, mais un collectif qui se propose justement de mettre en place cette alternative solidaire, qui pourrait partir d'un numéro ou d'un mail que tout le monde pourrait appeler, et on essaierait de faire du lien entre les gens qui peuvent héberger et ceux qui ont besoin. Et du coup, je pense que tu t'inscris assez. Enfin, de ce que tu dis depuis tout à l'heure, en tout cas, je ne vais pas parler pour toi, mais j'ai l'impression que tu t'inscris bien dans cette volonté. Donc, ouais, si tu veux travailler avec nous, on t'ouvre les bras, même les grands, grands bras, tu vois, c'est. Viens avec nous, on va essayer de faire quelque chose. Ok, il n'y a pas de souci, moi je suis là, je suis disponible pour les gens. C'est mon travail, c'est ma situation, c'est mon cadre. Voilà, c'est moi. Enfin, c'est parler. Peut-être si je parle de moi, c'est la rue, c'est tout. C'est la rue. Voilà. Moi, j'ai pas choisi. La rue a choisi. Moi, ce que je suis. Tu vois. Moi, j'ai pas choisi de toi. La rue va choisir ça. Ça, c'est comme ça. C'est fait, c'est parfait. C'est pas à refaire. On refait pas ce qui est fait parfaitement. On persévère à perforer ce qui est fait. Et t'inquiète. On est là. Mais pour parler de tout ça, ouais, voilà, on est là, on fait le maximum, on fait ce qu'il faut. Nous, on a nos carrières derrière nous et avec nous et devant nous. Et on fait tout ça pour le maximum de gens. Parce qu'il y a des gens qui vivent pour des chiffres. Nous, on a fait les chiffres. On les a fait. On les a donnés. Et maintenant, on veut les récupérer et pour qu'on soit tous ensemble dedans. Et c'est ça, tu vois. C'est ça, voilà. Ça, c'est juste pour parler des situations voilà, quand on voit quelque chose quelque part, et eh ben qu'il faut qu'on se sente concerné quand même, parce qu'il y a rien qui se passe sans rien. Voilà, c'est ça, c'est comme tu as dit, voilà. c'est comme on dit, n'importe qui peut faire quelque chose quelque part. Ouais. Ouais. Attends, on va ça. Ouais, on parle. Après, il y a une dernière association qui va venir parler de leur action. C'est les 115 du particulier. Ils ont une caravane là-bas. Donc, on va attendre qu'ils arrivent et puis on va rebrancher le micro quand ils vont arriver.